Première partie, livre 6, suite. Le diable ayant emporté les demoiselles Muscogulges, j'appris du guide qu'un bois brûlé, amoureux d'une des deux femmes, avait été jaloux de moi et qu'il s'était résolu, avec un siminole frère de l'autre cousine, de m'enlever Atala et Selouta. Les guides les appelaient sans façon des filles peintes, ce qui choquait ma vanité. Je me sentais d'autant plus humilié que le bois brûlé, mon rival préféré, était un maringouin, maigre, laid et noir, ayant tous les caractères des insectes qui, selon la définition des entomologistes du Grand Lama, sont des animaux dont la chair est à l'intérieur et les os à l'extérieur. La solitude me parut vide après ma mésaventure. Je reçus mal ma sylphide généreusement accourue pour consoler un infidèle. Comme Julie, lorsqu'elle pardonnait à Saint-Preux ses Floridiennes de Paris. Je me hâtais de quitter le désert, où j'ai ranimé depuis les compagnes endormies de ma nuit. Je ne sais si je leur ai rendu la vie qu'elles me donnèrent. Du moins, j'ai fait de l'une une vierge, et de l'autre une chaste épouse, par expiation. Nous repassâmes les montagnes bleues, et nous rapprochâmes des défrichements européens vers Chillicothe. Je n'avais recueilli aucune lumière sur le but principal de mon entreprise, mais j'étais escorté d'un monde de poésie. Comme une jeune abeille, aux roses, engagée, ma muse revenait de son butin chargé. J'avisai au bord d'un ruisseau une maison américaine, ferme à l'un de ses pignons, moulin à l'autre. J'entrai demander le vivre et le couvert, et fus bien reçu. Mon hôtesse me conduisit par une échelle dans une chambre au-dessus de l'axe de la machine hydraulique. Ma petite croisée, festonnée de lierre et de cobées à cloches d'iris, ouvrait sur le ruisseau qui coulait, étroit et solitaire, entre deux épaisses bordures de saule, d'aunes, de sassafras, de tamarins et de peupliers de la Caroline. La roue moussue tournait sous ses ombrages en laissant retomber de longs rubans d'eau. Des perches et des truites sautaient dans l'écume du remous. Des bergeronnettes volaient d'une rive à l'autre, et des espèces de martins-pêcheurs agitaient au-dessus du courant leurs ailes bleues. N'aurais-je pas bien été là, avec la triste, supposée fidèle, rêvant, assis à ses pieds, la tête appuyée sur ses genoux, écoutant le bruit de la cascade, les révolutions de la roue, le roulement de la meule, le sassement du blutoir, les battements égaux du traquet, respirant la fraîcheur de l'onde et l'odeur de l'effleurage des orges perlées? La nuit vint, je descendis à la chambre de la ferme. Elle n'était éclairée que par les feuilles de maïs et des coques de phaséoles qui flambaient au foyer. Les fusils du maître, horizontalement couchés aux porte-armes, brillaient au reflet de l'âtre. Je m'assis sur un escabeau dans le coin de la cheminée, auprès d'un écureuil qui sautait alternativement du dos d'un gros chien sur la tablette d'un rouet. Un petit chat prit possession de mon genou pour regarder ce jeu. La meunière coiffa le brasier d'une large marmite dont la flamme embrassa le fond noir comme une couronne d'or radié. Tandis que les patates de mon souper ébouillaient sous ma garde, je m'amusais à lire à la lueur du feu, en baissant la tête, un journal anglais tombé à terre entre mes jambes. J'aperçus, écrits en grosses lettres, ces mots « Flight of the King »« Fuite du roi ». C'était le récit de l'évasion de Louis XVI et de l'arrestation de l'infortuné monarque à Varennes. Note. L'arrestation du roi à Varennes eut lieu le 22 juin 1791. Fin de note. Le journal racontait aussi les progrès de l'émigration et la réunion des officiers de l'armée sous le drapeau des princes français. Une conversion subite s'opéra dans mon esprit. Renaud vit sa faiblesse au miroir de l'honneur, dans les jardins d'Armide. Sans être le héros du Tasse, la même glace m'offrit mon image au milieu d'un verger américain. Le fracas des armes, le tumulte du monde retentit à mon oreille, sous le chaume d'un moulin caché dans des bois inconnus. J'interrompis brusquement ma course et je me dis « Retourne en France ». Ainsi, ce qui me parut un devoir renversa mes premiers desseins, amena la première de ces péripéties dont ma carrière a été marquée. Les Bourbons n'avaient pas besoin qu'un cadet de Bretagne revînt d'outre-mer leur offrir son obscur dévouement, pas plus qu'ils n'ont eu besoin de ses services quand il est sorti de son obscurité. Si, continuant mon voyage, j'eusse allumé ma pipe avec le journal qui a changé ma vie, personne ne se fût aperçu de mon absence. Ma vie était alors aussi ignorée et ne pesait pas plus que la fumée de mon calumet. Un simple démêlé entre moi et ma conscience me jeta sur le théâtre du monde. J'eusse pu faire ce que j'aurais voulu puisque j'étais seul témoin du débat. Mais de tous les témoins, c'est celui aux yeux duquel je craindrais le plus de rougir. Pourquoi les solitudes de l'Érié, de l'Ontario, se présentent-elles aujourd'hui à ma pensée avec un charme que n'a point à ma mémoire le brillant spectacle du Bosphore? C'est qu'à l'époque de mon voyage aux États-Unis, j'étais plein d'illusions. Les troubles de la France commençaient en même temps que commençait mon existence. Rien n'était achevé en moi, ni dans mon pays. Ces jours me sont doux parce qu'ils me rappellent l'innocence des sentiments inspirés par la famille et les plaisirs de la jeunesse. 15 ans plus tard, après mon voyage au Levant, la République, grossie de débris et de larmes, s'était déchargée comme un torrent du déluge dans le despotisme. Je ne me berçais plus de chimères. Mes souvenirs, prenant désormais leur source dans la société et dans des passions, étaient sans candeur. Déçu dans mes 2 pèlerinages en Occident et en Orient, je n'avais point découvert le passage au pôle, je n'avais point enlevé la gloire des bords du Niagara où je l'étais allé chercher, et je l'avais laissée assise sur les ruines d'Athènes. Parti pour être voyageur en Amérique, revenu pour être soldat en Europe, je ne fournis jusqu'au bout ni l'une ni l'autre de ces carrières. Un mauvais génie m'arracha le bâton et l'épée et me mit la plume à la main. Il y a de cette heure 15 autres années qu'étant à Sparte et contemplant le ciel pendant la nuit, je me souvenais des pays qui avaient déjà vu mon sommeil paisible ou troublé, parmi les bois de l'Allemagne, dans les bruyères de l'Angleterre, dans les champs de l'Italie, au milieu des mers, dans les forêts canadiennes. J'avais déjà salué les mêmes étoiles que je voyais briller sur la patrie d'Hélène et de Ménélas. Mais que me servirait de me plaindre aux astres, immobiles témoins de mes destinées vagabondes? Un jour, leur regard ne se fatiguera plus à me poursuivre. Maintenant, indifférent à mon sort, je ne demanderai pas à ces astres de l'incliner par une plus douce influence, ni de me rendre ce que le voyageur laisse de sa vie dans les lieux où il passe. Si je revoyais aujourd'hui les États-Unis, je ne les reconnaîtrais plus. Là où j'ai laissé des forêts, je trouverais des champs cultivés. Là où je me suis frayé un sentier à travers les halliers, je voyagerais sur de grandes routes. Au Natchez, au lieu de la hutte de Celuta, s'élève une ville d'environ 5 000 habitants. Chaque tasse pourrait être aujourd'hui députée au Congrès. J'ai reçu dernièrement une brochure imprimée chez les Cherokees, laquelle m'est adressée dans l'intérêt de ces sauvages comme aux défenseurs de la liberté de la presse. Il y a chez les Muscogulges, les Siminoles, les Chiacasas, une cité d'Athènes, une autre de Marathon, une autre de Carthage, une autre de Memphis, une autre de Sparte, une autre de Florence. On trouve un comté de la Colombie et un comté de Marengo. La gloire de tous les pays a placé un nom dans ces mêmes déserts où j'ai rencontré le père Aubry et l'obscur Atala. Le Kentucky montre un Versailles. Un territoire appelé Bourbon a pour capitale un Paris. Tous les exilés, tous les opprimés qui se sont retirés en Amérique y ont porté la mémoire de leur patrie. Falsi simonitis anundam libadat kineri andromache. Les États-Unis offrent dans leur sein, sous la protection de la liberté, une image et un souvenir de la plupart des lieux célèbres de l'Antiquité et de la moderne Europe. Dans son jardin de la campagne de Rome, Adrien avait fait répéter les monuments de son empire. 33 grandes routes sortent de Washington, comme autrefois les voies romaines partaient du Capitole. Elles aboutissent, en se ramifiant, à la circonférence des États-Unis et tracent une circulation de 25 747 milles. Sur un grand nombre de ces routes, les postes sont montés. On prend la diligence pour l'Ohio ou pour Niagara, comme de mon temps on prenait un guide ou un interprète indien. Ces moyens de transport sont doubles. Des lacs et des rivières existent partout, liés ensemble par des canaux. On peut voyager le long des chemins de terre, sur des chaloupes à rames et à voiles, ou sur des coches d'eau, ou sur des bateaux à vapeur. Le combustible est inépuisable, puisque des forêts immenses couvrent des mines de charbon à fleur de terre. La population des États-Unis s'est accrue de 10 ans en 10 ans, depuis 1790 jusqu'en 1820, dans la proportion de 35 individus sur 100. On présume qu'en 1830, elle sera de 12 875 000 hommes. En continuant à doubler tous les 25 ans, elle serait en 1855 de 25 750 000 âmes, et 25 ans plus tard, en 1880, elle dépasserait 50 millions. Note. Les prévisions de Chateaubriand se sont vérifiées ici avec une étonnante justesse. Il écrivait, en 1822, « En 1880, la population des États-Unis dépassera 50 millions. » Or, d'après le recensement officiel du 1er juin 1880, le chiffre de la population à cette date était de 50 445 336 habitants. Fin de note. Cette sève humaine fait fleurir de toutes parts le désert. Les lacs du Canada, naguère sans voile, ressemblent aujourd'hui à des docks où des frégates, des corvettes, des cutters, des barques se croisent avec les pirogues et les canots indiens. Comme les gros navires et les galères se mêlent aux pinques, aux chaloupes et aux caïques dans les eaux de Constantinople. Le Mississippi, le Missouri, l'Ohio ne coulent plus dans la solitude. Des trois mâts les remontent. Plus de 200 bateaux à vapeur en vivifient les rivages. Cette immense navigation intérieure, qui suffirait seule à la prospérité des États-Unis, ne ralentit point leurs expéditions lointaines. Leurs vaisseaux courent toutes les mers, se livrent à toutes les espèces d'entreprises, promènent le pavillon étoilé du couchant le long de ces rivages de l'aurore qui n'ont jamais connu que la servitude. Pour achever ce tableau surprenant, il se faut représenter des villes comme Boston, New York, Philadelphie, Baltimore, Charleston, Savannah, la Nouvelle-Orléans, éclairées la nuit, remplies de chevaux et de voitures, ornées de cafés, de musées, de bibliothèques, de salles de danse et de spectacles, offrant toutes les jouissances du luxe. Toutefois, il ne faut pas chercher aux États-Unis ce qui distingue l'homme des autres êtres de la création, ce qui est son extrait d'immortalité et l'ornement de ses jours. Les lettres sont inconnues dans la Nouvelle République, quoiqu'elles soient appelées par une foule d'établissements. L'Américain a remplacé les opérations intellectuelles par les opérations positives. Ne lui imputez point à l'infériorité sa médiocrité dans les arts, car ce n'est pas de ce côté qu'il a porté son attention. Jeté par différentes causes sur un sol désert, l'agriculture et le commerce ont été l'objet de ses soins. Avant de penser, il faut vivre. Avant de planter des arbres, il faut les abattre afin de labourer. Les colons primitifs, l'esprit rempli de controverses religieuses, portaient, il est vrai, la passion de la dispute jusqu'au sein des forêts. Mais il fallait qu'ils marchassent d'abord à la conquête du désert, la hache sur l'épaule, n'ayant pour pupitre, dans l'intervalle de leur labeur, que l'orme qu'ils écarissaient. Les Américains n'ont point parcouru les degrés de l'âge des peuples. Ils ont laissé en Europe leur enfance et leur jeunesse. Les paroles naïves du berceau leur ont été inconnues. Ils n'ont joui des douceurs du foyer qu'à travers le regret d'une patrie qu'ils n'avaient jamais vue, dont ils pleuraient l'éternelle absence et le charme qu'on leur avait raconté. Il n'y a dans le nouveau continent ni littérature classique, ni littérature romantique, ni littérature indienne. Classique, les Américains n'ont point de modèle. Romantique, les Américains n'ont point de Moyen-Âge. Indienne, les Américains méprisent les sauvages et ont horreur des bois comme d'une prison qui leur était destinée. Ainsi, ce n'est donc pas la littérature à part, la littérature proprement dite, que l'on trouve en Amérique. C'est la littérature appliquée, servant aux divers usages de la société. C'est la littérature d'ouvriers, de négociants, de marins, de laboureurs. Les Américains ne réussissent guère que dans la mécanique et dans les sciences, parce que les sciences ont un côté matériel. Franklin et Fulton se sont emparés de la foudre et de la vapeur au profit des hommes. Il appartenait à l'Amérique de doter le monde de la découverte par laquelle aucun continent ne pourra désormais échapper aux recherches du navigateur. La poésie et l'imagination, partage d'un très petit nombre de désœuvrés, sont regardés aux États-Unis comme des puérilités du premier et du dernier âge de la vie. Les Américains n'ont point eu d'enfance, ils n'ont point encore de vieillesse. De ceci, il résulte que les hommes engagés dans les études sérieuses ont dû nécessairement appartenir aux affaires de leur pays, afin d'en acquérir la connaissance, et qu'ils ont dû de même se trouver acteurs dans leur révolution. Mais une chose triste est à remarquer, la dégénération prompte du talent depuis les premiers hommes des troubles américains jusqu'aux hommes de ces derniers temps. Et cependant ces hommes se touchent. Les anciens présidents de la République ont un caractère religieux, simple, élevé, calme, dont on ne trouve aucune trace dans nos fracas sanglants de la République et de l'Empire. La solitude dont les Américains étaient environnés a réagi sur leur nature. Ils ont accompli en silence leur liberté. Le discours d'adieu du général Washington au peuple des États-Unis pourrait avoir été prononcé par les personnages les plus graves de l'Antiquité. « Les actes publics, dit le général, prouvent jusqu'à quel point les principes que je viens de rappeler m'ont guidé lorsque je me suis acquitté des devoirs de ma place. Ma conscience me dit du moins que je les ai suivis. Bien qu'en repassant les actes de mon administration, je n'ai connaissance d'aucune faute d'intention, j'ai un sentiment trop profond de mes défauts pour ne pas penser que probablement j'ai commis beaucoup de fautes. Quelles qu'elles soient, je supplie avec ferveur le Tout-Puissant d'écarter ou de dissiper les maux qu'elles pourraient entraîner. J'emporterai aussi avec moi l'espoir que mon pays ne cessera jamais de les considérer avec indulgence. Et qu'après 45 années de ma vie dévouées à son service avec zèle et droiture, les torts d'un mérite insuffisant tomberont dans l'oubli, comme je tomberai bientôt moi-même dans la demeure du repos. » Jefferson, dans son habitation de Monticello, écrit après la mort de l'un de ses deux enfants « La perte que j'ai éprouvée est réellement grande. D'autres peuvent perdre ce qu'ils ont en abondance, mais moi, de mon strict nécessaire, j'ai à déplorer la moitié. » Le déclin de mes jours ne tient plus que par le faible fil d'une vie humaine. Peut-être suis-je destiné à voir rompre ce dernier lien de l'affection d'un père. La philosophie rarement touchante l'est ici au souverain degré. Et ce n'est pas là la douleur oiseuse d'un homme qui ne s'était mêlé de rien. Jefferson mourut le 4 juillet 1826, dans la 84e année de son âge, et la 54e de l'indépendance de son pays. Ses restes reposent recouverts d'une pierre, n'ayant pour épitaphe que ces mots, Thomas Jefferson, auteur de la Déclaration d'indépendance. Note. Thomas Jefferson, 1743-1826, fut le troisième président des États-Unis. Les deux premiers avaient été Washington et John Adams. Élu en 1801 et réélu en 1805, il resta 8 ans à la tête de l'administration. C'est lui qui réunit la Louisiane aux États-Unis. Fin de note. Périclès et Démosthène avaient prononcé l'oraison funèbre des jeunes Grecs tombés pour un peuple qui disparut bientôt après eux. Breckinridge, en 1817, célébrait la mort des jeunes Américains dont le sang a fait naître un peuple. On a une galerie nationale des portraits des Américains distingués, en 4 volumes in octavo, et ce qu'il y a de plus singulier, une biographie contenant la vie de plus de 100 principaux chefs indiens. Logan, chef de la Virginie, prononça devant Lord Dunmore ces paroles. Au printemps dernier, sans provocation aucune, le colonel Crasp égorgea tous les parents de Logan. Il ne coule plus une seule goutte de mon sang dans les veines d'aucune créature vivante. C'est là ce qui m'a appelé à la vengeance. Je l'ai cherché. J'ai tué beaucoup de monde. « Est-il quelqu'un qui viendra maintenant pleurer la mort de Logan ?»« Personne. » Sans aimer la nature, les Américains se sont appliqués à l'étude de l'histoire naturelle. Towsend, parti de Philadelphie, a parcouru à pied les régions qui séparent l'Atlantique de l'océan Pacifique, en consignant dans son journal ses nombreuses observations. Thomas Say, voyageur dans les Florides et aux montagnes rocheuses, a donné un ouvrage sur l'entomologie américaine. Wilson, tisserand, devenu auteur, a laissé des peintures assez finies. Arrivés à la littérature proprement dite, quoiqu'elle soit peu de chose, il y a pourtant quelques écrivains à citer parmi les romanciers et les poètes. Le fils d'un quaker, Brown, est l'auteur de Wayland, lequel Wayland est la source et le modèle des romans de la nouvelle école. Contrairement à ses compatriotes, j'aime mieux, assurer Brown, errer parmi les forêts que de battre le blé. Wayland, le héros du roman, est un puritain à qui le ciel a commandé de tuer sa femme. « Je t'ai amené ici, lui dit-il, pour accomplir les ordres de Dieu. C'est par moi que tu dois périr. » Et je saisis ses deux bras. Elle poussa plusieurs cris perçants et voulut se dégager. « Wayland, ne suis-je pas ta femme? Et tu veux me tuer? Me tuer, moi? Oh non! Oh, grâce, grâce !» Tant que sa voix eut un passage, elle cria ainsi « Grâce et secours !» Willand étrangle sa femme et éprouve d'ineffables délices auprès du cadavre expiré. L'horreur de nos inventions modernes est ici surpassée. Brown s'était formé à la lecture de Caleb Williams, et il imitait dans Willand une scène d'Othello. À cette heure, les romanciers américains Cooper, Washington Irving sont forcés de se réfugier en Europe pour y trouver des chroniques et un public. La langue des grands écrivains de l'Angleterre s'est créolisée, provincialisée, barbarisée, sans avoir rien gagné en énergie au milieu de la nature vierge. On a été obligé de dresser des catalogues des expressions américaines. Quant aux poètes américains, leur langage a de l'agrément, mais ils s'élèvent peu au-dessus de l'ordre commun. Cependant, l'aude à la brise du soir, le lever du soleil sur la montagne, le torrent et quelques autres poésies méritent d'être parcourues. Halleck a chanté Botsaris expirant, et George Hill a erré parmi les ruines de la Grèce. « Ô Athènes, dit-il, c'est donc toi, reine solitaire, reine détrônée? Par tes noms, roi des temples, tu as vu les monuments tes contemporains laisser au temps dérober leurs prêtres et leurs dieux. Il me plaît à moi, voyageur au rivage de la Hellade et de l'Atlantide, d'entendre la voix indépendante d'une terre inconnue à l'Antiquité gémir sur la liberté perdue du vieux monde. Mais l'Amérique conservera-t-elle la forme de son gouvernement? Les États ne se diviseront-ils pas? Un député de la Virginie n'a-t-il pas déjà soutenu la thèse de la liberté antique avec des esclaves, résultat du paganisme, contre un député de Massachusetts défendant la cause de la liberté moderne sans esclaves, telle que le christianisme l'a faite? Les États du Nord et du Midi ne sont-ils pas opposés d'esprit et d'intérêt? Les États de l'Ouest, trop éloignés de l'Atlantique, ne voudront-ils pas avoir un régime à part? D'un côté, le lien fédéral est-il assez fort pour maintenir l'union et contraindre chaque État à s'y resserrer? D'un autre côté, si on augmente le pouvoir de la présidence, le despotisme n'arrivera-t-il pas avec les gardes et les privilèges du dictateur? L'isolement des États-Unis leur a permis de naître et de grandir. Il est douteux qu'ils eussent pu vivre et croître en Europe. La Suisse fédérale subsiste au milieu de nous. Pourquoi? Parce qu'elle est petite, pauvre, cantonnée au giron des montagnes, pépinière de soldats pour les rois, but de promenade pour les voyageurs. Séparée de l'ancien monde, la population des États-Unis habite encore la solitude. Ses déserts ont été sa liberté, mais déjà les conditions de son existence s'altèrent. L'existence des démocraties du Mexique, de la Colombie, du Pérou, du Chili, de Buenos Aires, toutes troublées qu'elles sont, est un danger. Lorsque les États-Unis n'avaient auprès d'eux que les colonies d'un royaume transatlantique, aucune guerre sérieuse n'était probable. Maintenant, des rivalités ne sont-elles pas à craindre? Que de part et d'autre, on court aux armes, que l'esprit militaire s'empare des enfants de Washington. Un grand capitaine pourra surgir au trône. La gloire aime les couronnes. J'ai dit que les États du Nord, du Midi et de l'Ouest étaient divisés d'intérêts. Chacun le sait. Ces États rompant l'union, les réduira-t-on par les armes? Alors, quel ferment d'inimitié répandu dans le corps social? Les États dissidents maintiendront-ils leur indépendance? Alors, quelles discordes n'éclateront pas parmi ces États émancipés? Ces républiques d'outre-mer, désengrenées, ne formeraient plus que des unités débiles de nul poids dans la balance sociale, où elles seraient successivement subjuguées par l'une d'entre elles. Je laisse de côté le grave sujet des alliances et des interventions étrangères. Le Kentucky, peuplé d'une race d'hommes plus rustiques, plus hardis et plus militaires, semblerait destiné à devenir l'État conquérant. Dans cet État qui dévorerait les autres, le pouvoir d'un seul ne tarderait pas à s'élever sur la ruine du pouvoir de tous. J'ai parlé du danger de la guerre, je dois rappeler les dangers d'une longue paix. Les États-Unis, depuis leur émancipation, ont joui, à quelques mois près, de la tranquillité la plus profonde. Tandis que sans bataille ébranlait l'Europe, ils cultivaient leurs champs en sûreté. De là un débordement de population et de richesses, avec tous les inconvénients de la surabondance des richesses et des populations. Si des hostilités survenaient chez un peuple imbelliqueux, saurait-on résister? Les fortunes et les mœurs consentiraient-elles à des sacrifices? Comment renoncer aux usances câlines, au confort, au bien-être indolent de la vie? La Chine et l'Inde, endormies dans leurs mousselines, ont constamment subi la domination étrangère. Ce qui convient à la complexion d'une société libre, c'est un état de paix modéré par la guerre, et un état de guerre à tremper de paix. Les Américains ont déjà porté trop longtemps de suite la couronne d'olivier. L'arbre qui la fournit n'est pas naturel à leurs rives. L'esprit mercantile commence à les envahir, l'intérêt devient chez eux le vice national. Déjà, le jeu des banques des divers États s'entrave et des banqueroutes menacent la fortune commune. Tant que la liberté produit de l'or, une république industrielle fait des prodiges. Mais quand l'or est acquis ou épuisé, elle perd son amour de l'indépendance non fondée sur un sentiment moral, mais provenu de la soif du gain et de la passion de l'industrie. De plus, il est difficile de créer une patrie parmi des États qui n'ont aucune communauté de religion et d'intérêt, qui, sortis de diverses sources en des temps divers, vivent sur un sol différent et sous un différent soleil. Quel rapport y a-t-il entre un Français de la Louisiane, un Espagnol des Florides, un Allemand de New York, un Anglais de la Nouvelle-Angleterre, de la Virginie, de la Caroline, de la Géorgie, tous réputés américains? Celui-là, léger et duelliste, celui-là, catholique, paresseux et superbe, celui-là, luthérien, laboureur et sans esclaves, celui-là, anglican et planteur avec des nègres, celui-là, puritain et négociant. Combien faudra-t-il de siècles pour rendre ces éléments homogènes? Une aristocratie chrysogène, note, chrysogène, née de l'or, terme nouveau, inventé par l'auteur et qui mérite de faire fortune, fin de note, est prête à paraître avec l'amour des distinctions et la passion des titres. On se figure qu'il règne à niveau général aux États-Unis. C'est une complète erreur. Il y a des sociétés qui se dédaignent et ne se voient point entre elles. Il y a des salons où la morgue des maîtres surpasse celle d'un prince allemand à 16 quartiers. Ces nobles plébéiens aspirent à la caste, en dépit du progrès des Lumières qui les a fait égaux et libres. Quelques-uns d'entre eux ne parlent que de leurs aïeux, fiers barons, apparemment bâtards et compagnons de Guillaume le Bâtard. Ils étalent les blasons de chevalerie de l'Ancien Monde, ornés de serpents, des lézards et des perruches du Monde Nouveau. Un cadet de Gascogne, abordant avec la cape et le parapluie au rivage républicain, s'il a soin de se surnommer marquis, est considéré sur les bateaux à vapeur. L'énorme inégalité des fortunes menace encore plus sérieusement de tuer l'esprit d'égalité. Tel Américain possède 1 ou 2 millions de revenus. Aussi les Yankees de la grande société ne peuvent-ils déjà plus vivre comme Franklin. Le vrai gentleman, dégoûté de son pays neuf, vient en Europe chercher du vieux. On le rencontre dans les auberges, faisant comme les Anglais, avec l'extravagance ou le spleen, des tours en Italie. Ces rôdeurs de la Caroline ou de la Virginie achètent des ruines d'abbayes en France et plantent à Melun des jardins anglais avec des arbres américains. Naples envoie à New York ses chanteurs et ses parfumeurs, Paris ses modes et ses baladins, Londres ses grooms et ses boxeurs. Joies exotiques qui ne rendent pas l'union plus gaie. On s'y divertit en se jetant dans la cataracte du Niagara, aux applaudissements de 50 000 planteurs demi-sauvages que la mort a bien de la peine à faire rire. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en même temps que déborde l'inégalité des fortunes et qu'une aristocratie commence, la grande impulsion égalitaire au dehors oblige les possesseurs industriels ou fonciers à cacher leur luxe, à dissimuler leur richesse, de crainte d'être assommés par leurs voisins. On ne reconnaît point la puissance exécutive. On chasse à volonté les autorités locales que l'on a choisies, et on leur substitue des autorités nouvelles. Cela ne trouble point l'ordre. La démocratie pratique est observée, et l'on se rit des lois posées par la même démocratie en théorie. L'esprit de famille existe peu. Aussitôt que l'enfant est en état de travailler, il faut, comme l'oiseau emplumé, qu'il vole de ses propres ailes. De ces générations émancipées dans un hâtif orphelinage et des émigrations qui arrivent de l'Europe, il se forme des compagnies nomades qui défrichent les terres, creusent des canaux et portent leur industrie partout sans s'attacher au sol. Elles commencent des maisons dans le désert où le propriétaire passager restera à peine quelques jours. Un égoïsme froid et dur règne dans les villes. Piastres et dollars, billets de banque et argent, hausse et baisse des fonds, c'est tout l'entretien. On se croirait à la bourse ou au comptoir d'une grande boutique. Les journaux d'une dimension immense sont remplis d'expositions d'affaires ou de caquets grossiers. Les Américains subiraient-ils, sans le savoir, la loi d'un climat où la nature végétale paraît avoir profité aux dépens de la nature vivante, loi combattue par des esprits distingués, mais que la réfutation n'a pas tout à fait mise hors d'examen? On pourrait s'enquérir si l'Américain n'a pas été trop tôt usé dans la liberté philosophique, comme le Russe dans le despotisme civilisé. En somme, les États-Unis donnent l'idée d'une colonie et non d'une patrie mère. Ils n'ont point de passé. Les mœurs y sont faites par les lois. Ces citoyens du Nouveau Monde ont pris rang parmi les nations au moment que les idées politiques entraient dans une phase ascendante. Cela explique pourquoi ils se transforment avec une rapidité extraordinaire. La société permanente semble devenir impraticable chez eux. D'un côté, par l'extrême ennui des individus, de l'autre, par l'impossibilité de rester en place et par la nécessité de mouvement qui les domine, car on n'est jamais bien fixe là où les pénates sont errants. Placés sur la route des océans, à la tête des opinions progressives aussi neuves que son pays, l'Américain semble avoir reçu de Colomb plutôt la mission de découvrir d'autres univers que de les créer. Revenu du désert à Philadelphie, comme je l'ai déjà dit, ayant écrit sur le chemin à la hâte ce que je viens de raconter, comme le vieillard de La Fontaine, je ne trouvais point les lettres de change que j'attendais. Ce fut le commencement des embarras pécuniaires où j'ai été plongé le reste de ma vie. La fortune et moi, nous nous sommes pris en grippe aussitôt que nous nous sommes vus. Selon Hérodote, certaines fourmis de l'Inde ramassaient des tas d'or. D'après Athénée, le soleil avait donné à Hercule un vaisseau d'or pour aborder à l'île d'Érythia, retraite des Hespérides. Bien que fourmi, je n'ai pas l'honneur d'appartenir à la grande famille indienne. Et, bien que navigateur, je n'ai jamais traversé l'eau que dans une barque de sapin. Ce fut un bâtiment de cette espèce qui me ramena d'Amérique en Europe. Le capitaine me donna mon passage à crédit. Le 10 de décembre 1791, je m'embarquai avec plusieurs de mes compatriotes qui, par divers motifs, retournaient comme moi en France. La désignation du navire était le Havre. Un coup de vent d'ouest nous prit au débouquement de la Delaware et nous chassa en 17 jours à l'autre bord de l'Atlantique. Souvent à mât et à corde, à peine pouvions-nous mettre à la cape. Le soleil ne se montra pas une seule fois. Le vaisseau, gouvernant à l'estime, fuyait devant la lame. Je traversai l'océan au milieu des ombres. Jamais il ne m'avait paru si triste. Moi-même, plus triste, je revenais trompé dès mon premier pas dans la vie. « On ne bâtit point de palais sur la mer, » dit le poète persan, Ferid Eddin. J'éprouvais je ne sais quelle pesanteur de cœur, comme à l'approche d'une grande infortune. Promenant mes regards sur les flots, je leur demandais ma destinée, où j'écrivais, plus gêné de leurs mouvements qu'occupé de leurs menaces. Loin de calmer, la tempête augmentait à mesure que nous approchions de l'Europe, mais d'un souffle égal. Il résultait de l'uniformité de sa rage une sorte de bonasse furieuse dans le ciel hâve et la mer plombée. Le capitaine, n'ayant pu prendre hauteur, était inquiet. Il montait dans les haubans, regardait les divers points de l'horizon avec une lunette. Une vigie était placée sur le Beaupré, une autre dans le petit hunier du grand mât. La lame devenait courte, et la couleur de l'eau changeait, signe des approches de la terre. De quelle terre ? Les matelots bretons ont ce proverbe « Celui qui voit Belle-Île voit son île, celui qui voit Groix voit sa joie, celui qui voit Ouessant voit son sang. » J'avais passé 2 nuits à me promener sur le Tillac, au glapissement des ondes dans les ténèbres, au bourdonnement du vent dans les cordages, et, sous les seaux de la mer qui couvraient et découvraient le pont, c'était tout autour de nous une émeute de vagues. Fatigué des chocs et des heurts, à l'entrée de la 3e nuit, je m'allais coucher. Le temps était horrible. Mon hamac craquait et blutait au coup du flot qui, crevant sur le navire, en disloquait la carcasse. Bientôt j'entends courir d'un bout du pont à l'autre et tomber des paquets de cordages. J'éprouve le mouvement que l'on ressent lorsqu'un vaisseau vire de bord. Le couvercle de l'échelle de l'entrepont s'ouvre, une voix effrayée appelle le capitaine. Cette voix, au milieu de la nuit et de la tempête, avait quelque chose de formidable. Je prête l'oreille. Il me semble ouïr des marins discutant sur le gisement d'une terre. Je me jette en bas de mon branle. Une vague enfonce le château de poupe, inonde la chambre du capitaine, renverse et roule pêle-mêle table, lit, coffre, meubles et armes. Je gagne le tillac à demi noyé. En mettant la tête hors de l'entrepont, je fus frappé d'un spectacle sublime. Le bâtiment avait essayé de virer de bord, mais n'ayant pu y parvenir, il s'était affalé sous le vent. À la lueur de la lune écornée qui émergeait des nuages pour s'y replonger aussitôt, on découvrait sur les deux bords du navire, à travers une brume jaune, des côtes hérissées de rochers. La mer boursouflait ses flots comme des monts dans le canal où nous nous trouvions engouffrés. Tantôt, il s'épanouissait en écumes et en étincelles, tantôt, il n'offrait qu'une surface huileuse et vitreuse, marbrée de taches noires, cuivrées, verdâtres, selon la couleur des bas-fonds sur lesquels il mugissait. Pendant 2 ou 3 minutes, les vagissements de l'abîme et ceux du vent étaient confondus. L'instant d'après, on distinguait le détalé des courants, le sifflement des récifs, la voix de la lame lointaine. De la concavité du bâtiment sortaient des bruits qui faisaient battre le cœur aux plus intrépides matelots. La proue du navire tranchait la masse épaisse des vagues avec un froissement affreux, et au gouvernail, des torrents d'eau s'écoulaient en tourbillonnant comme à l'échappée d'une écluse. Au milieu de ce fracas, rien n'était aussi alarmant qu'un certain murmure sourd, pareil à celui d'un vase qui se remplit. Éclairé d'un falot et contenu sous des plombs, des portulans, des cartes, des journaux de route étaient déployés sur une cage à poulets. Dans l'habitacle de la boussole, une rafale avait éteint la lampe. Chacun parlait diversement de la terre. Nous étions entrés dans la Manche sans nous en apercevoir. Le vaisseau, bronchant à chaque vague, courait en dérive entre l'île de Guernesey et celle d'Origny. Le naufrage parut inévitable et les passagers serrèrent ce qu'ils avaient de plus précieux afin de le sauver. Il y avait parmi l'équipage des matelots français, un d'entre eux, au défaut d'aumônier, entonna ce cantique à Notre-Dame de Bon Secours, premier enseignement de mon enfance. Je le répétais à la vue des côtes de la Bretagne, presque sous les yeux de ma mère. Les matelots américains protestants se joignaient de cœur au chant de leurs camarades français catholiques. Le danger apprend aux hommes leur faiblesse et unit leurs vœux. Passagers et marins, tous étaient sur le pont, qui accrochés aux manœuvres, qui au bordage, qui au cabestan, qui au bec des ancres, pour n'être pas balayés de la lame ou versés à la mer par le roulis. Le capitaine criait « une hache » pour couper les mâts, et le gouvernail dont le timon avait été abandonné allait tournant sur lui-même avec un bruit rauque. Un essai restait à tenter. La sonde ne marquait plus que 4 brassées sur un banc de sable qui traversait le chenal. Il était possible que la lame nous fît franchir le banc et nous portât dans une eau profonde. Mais qui oserait saisir le gouvernail et se charger du salut commun? Un faux coup de barre, nous étions perdus. Un de ces hommes qui jaillissent des événements et qui sont les enfants spontanés du péril se trouva. Un matelot de New York s'empare de la place désertée du pilote. Il me semble encore le voir en chemise, en pantalon de toile, les pieds nus, les cheveux épars et diluviés, tenant le timon dans ses fortes serres, tandis que, la tête tournée, il regardait à la poupe l'onde qui devait nous sauver ou nous perdre. Voici venir cette lame embrassant la largeur de la passe, roulant haut sans se briser, ainsi qu'une mer envahissant les flots d'une autre mer. De grands oiseaux blancs, au vol calme, la précèdent comme les oiseaux de la mort. Le navire touchait et talonnait. Il se fit un silence profond. Tous les visages blêmirent. La houle arrive. Au moment où elle nous attaque, le matelot donne le coup de barre. Le vaisseau, près de tomber sur le flanc, présente l'arrière, et la lame, qui paraît nous engloutir, nous soulève. On jette la sonde, elle rapporte 27 brasses. Un houza monte jusqu'au ciel, et nous y joignons le cri de « Vive le roi !» Il ne fut point entendu de Dieu pour Louis XVI, il ne profita qu'à nous. Dégagés des 2 îles, nous ne fûmes pas hors de danger. Nous ne pouvions parvenir à nous élever au-dessus de la côte de Granville. Enfin, la marée retirante nous emporta et nous doublâmes le cap de la Hougue. Je n'éprouvai aucun trouble pendant ce demi-naufrage et ne sentis point de joie d'être sauvé. Note. C'est d'après cette tempête, où il avait failli périr, que Chateaubriand peindra plus tard, au 19e livre des Martyrs, le naufrage de Simodocée. On lit dans les notes qui accompagnent ce livre « Je ne peins dans ce naufrage que ma propre aventure. En revenant de l'Amérique, je fus accueilli d'une tempête de l'Ouest qui me conduisit en 21 jours de l'embouchure de la Delaware à l'île d'Origny, dans la Manche, et fit toucher le vaisseau sur un banc de sable. Je regrette de n'avoir point la lettre que j'écrivis à M. de Chateaubriand, mon frère, qui a péri avec son aïeul, M. de Malesherbes. Je lui rendais compte de mon naufrage. J'aurais retrouvé dans cette lettre des circonstances qui ont sans doute échappé à ma mémoire, quoique ma mémoire m'ait bien rarement trompée. Ne convient-il pas de voir dans ce regret une nouvelle preuve de ce constant souci d'exactitude qui ne quitta jamais Chateaubriand, même lorsqu'il écrivait ses poèmes, à plus forte raison lorsqu'il écrivit ses mémoires. Fin de note. Mieux vaut déguerpir de la vie quand on est jeune que d'en être chassé par le temps. Le lendemain, nous entrâmes au Havre. Toute la population était accourue pour nous voir. Nos mâts de hune étaient rompus, nos chaloupes emportées, le gaillard d'arrière rasé, et nous embarquions l'eau à chaque tangage. Je descendis à la jetée. Le 2 de janvier 1792, je foulais de nouveau le sol natal qui devait encore fuir sous mes pas. J'amenais avec moi, non des Esquimaux des régions polaires, mais 2 sauvages d'une espèce inconnue, Chactas et Atala. Ici se termine le livre 6 de la première partie.